Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Plaisir de l'histoire et plaisir de la bande dessinée. Oui, dans le cours de l'histoire, nous nous plongeons dans les images qui racontent l'histoire avec des bulles. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Voici de bien belles images en couleur pour apprendre l'histoire aux enfants. De 1904 à 1936, Les belles images est le titre d'une publication illustrée pour enfants de la librairie Artem Fayard. S'agit-il d'une bande dessinée? Disons que nous nous en approchons. La page est couverte de dessins sous lesquels se trouve un texte explicatif. L'héritage des images d'Épinal est flagrant. Dans chaque numéro, à côté des histoires drôles et des récits d'aventure, des belles images. Quelques planches sont réservées à l'histoire. Ainsi, dans le numéro du 9 août 1906, il est question de la folie du roi Charles VI, du duc de Bourgogne et du bal des Ardents quand, en 1393, une fête se transforme en tragédie. Et dans le numéro du 23 décembre 1909, les jeunes lecteurs découvrent la Saint-Barthélemy, le massacre des protestants par les catholiques à Paris. On raconte que le roi Charles IX, excité par la vue du sang, tira lui-même du fenêtre du Louvre, peut-on lire. Mais le fait n'est pas prouvé. Ah bah oui, le journal précise. Voilà bien longtemps que le dessin sert à diffuser largement les événements historiques, surtout quand il s'agit de toucher un large public. Alors comment raconter l'histoire à l'aide de bandes dessinées et au-delà d'un nouveau lectorat? Qu'apporte le dessin à l'historien, à l'historienne? Allons, régalons-nous de belles images. Valérie Theis, bonjour. Oui, bonjour Xavier Mauduit. Vous publiez à la vie, à la mort, des rois maudits, à la guerre de 100 ans. Vous n'êtes pas seul parce que une bande dessinée est un travail d'équipe. Et je voudrais savoir déjà, vous, quelle est votre aventure d'historienne qui regarde de la bande dessinée? Vous avez été baigné à cela, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'École normale supérieure de Paris. Vos travaux portent principalement sur l'histoire politique et sociale de l'Europe entre le Moyen-Âge et puis le début de l'époque moderne. Vous lisiez des bandes dessinées? Oui, beaucoup. En fait, j'ai été plus baignée dans des bandes dessinées que dans des livres d'histoire. Mes deux parents ont un rapport assez contrarié avec l'histoire, en particulier l'histoire scolaire. Et par contre, ce sont de grands fans de bandes dessinées. Donc, j'ai grandi avec tout un tas de BD autour de moi. Druyer, Moebius, plus tard Bilal. Donc, c'est un univers qui m'est très familier. Et du coup, c'est un pur bonheur de pouvoir faire de la bande dessinée, parce que c'est vrai qu'on touche pas le même public avec la bande dessinée qu'avec les livres d'histoire traditionnels. Mais pour la bande dessinée, c'est vrai que dans les grands classiques, nous avons Alix, nous avons Astérix, nous avons Tintin aussi. Il s'agit là d'auteurs qui s'emparent de l'histoire et qui racontent l'histoire. Il ne s'agit pas d'historiens qui, eux, font de la bande dessinée. Or, c'est la démarche qui nous intéresse aujourd'hui. Avec vous également, Jérémy Foa, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Aix-Marseille et vous publiez, alors c'est dans la même collection, hein, Histoire dessinée de la France, publiée par la revue illustrée La Découverte, vous publiez ces sacrées guerres de Catherine de Médicis à Henri IV. Et j'ai envie de vous poser la même question, cette réflexion sur la bande dessinée et l'histoire. Est-ce pour vous une nouveauté, cette publication de l'histoire de France en bande dessinée? Alors oui, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt une nouveauté. J'ai une culture BD relativement limitée. J'ai lu des BD quand j'étais jeune, mais c'est vrai que c'est pas l'univers qui m'est familier. J'ai lu Tintin, j'ai lu Astérix. Et c'est vrai que tout de suite, quand Sylvain Venner, qui est le directeur de cette collection, qui est un historien, m'a proposé cette aventure, j'ai été séduit, parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, le côté nouveau de cette proposition, c'est de faire un attelage assez inédit entre un historien professionnel qui vient pas du monde de la BD et un dessinateur. Et je me suis dit que ce duo-là, ça permettait de faire des propositions vraiment innovantes et amusantes. Eh bien justement, nous allons écouter Sylvain Venner qui parle de ce projet d'histoire dessinée de la France. Le projet consiste précisément à remettre en cause les icônes nationales, les images d'Épinal qui ont servi à apprendre l'histoire aux enfants et qui sont, au fond, d'abord des images. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les Français soient fiers d'être Français. Il s'agit de faire en sorte de comprendre le monde dans lequel on est en train de vivre la France dans laquelle on est en train de vivre. Nous sommes admiratifs sur cette petite musique qui accompagne l'historien Sylvain Venère quand il nous présente cette histoire dessinée de la France publiée par la revue Illustrée et La Découverte. Valérie Theiss, il y a dans cette démarche quelque chose qui répond à ce qu'on appelle l'historiographie, la réflexion sur la discipline de l'histoire elle-même. L'histoire ne se raconte pas aujourd'hui comme elle se racontait par le passé, et la bande dessinée souvent a été piégée par cela en focalisant sur l'événement, sur le temps court ou sur le personnage. La démarche, notamment la vôtre, hein, dans cette bande dessinée À la vie, à la mort, est justement de toucher un large public avec une large période. Oui, effectivement. Alors le public qu'on avait imaginé au départ, c'était plutôt un public d'adultes qui avaient déjà des petites connaissances historiques, mais qui avaient peut-être envie d'en savoir plus, de savoir comment l'historiographie avait évolué depuis l'époque scolaire à laquelle ces premiers rudiments avaient été acquis. Et en fait, on s'est rendu compte que la bande dessinée pouvait toucher un public encore plus large. Alors vous évoquez tout d'abord, hein, le jeune public auquel on pense tout de suite pour la bande dessinée, mais nous on n'y avait pas pensé tout de suite. On pensait plutôt parler à des adultes, et en mettant cette BD entre les mains d'adolescents et d'enfants plus jeunes qu'on s'est rendu compte que ça marchait très bien aussi. Effectivement, le défi de ce volume, c'est que il couvre une période très longue, hein, puisqu'on commence à la fin du XIIIe siècle et on va jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, donc jusqu'au milieu du XVe siècle. Donc on ne peut pas, évidemment, en une centaine de pages, raconter l'histoire événementielle. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui nous intéressait, parce que le but, c'est plutôt de voir ce que la guerre fait aux gens ordinaires, plus que de raconter des batailles qui ont été souvent mises en valeur, hein, dans le temps long pour cette période-là, les batailles ne servent qu'à héroïser, hein, ceux qui les gagnent, et n'apportent pas grand-chose du point de vue de la compréhension de l'histoire des sociétés. Et quand nous évoquons le public, effectivement, il y a deux niveaux de lecture que nous ressentons très bien en lisant ces bandes dessinées, c'est-à-dire que le public qui veut découvrir a de quoi découvrir, et le public qui a déjà des connaissances s'amuse à certains clins d'œil, et notamment vous, votre personnage Valérie Theiss, hein, dans ce volume publié avec Étienne Hanheim et Sophie Guérive, c'est la mort. La mort est au cœur de votre propos. Vous avez un personnage principal, mais alors quel personnage ? Oui, et ça, c'est un personnage avec lequel on s'est bien amusé. D'ailleurs, on se disait qu'on aimerait bien raconter d'autres périodes avec elle. L'avantage de la mort par rapport aux acteurs médiévaux, c'est que elle connaît la suite de l'histoire. Par rapport aux acteurs contemporains, elle a un petit peu le même avantage, parce que elle sait ce qui s'est passé avant, alors que beaucoup de nos contemporains, en fait, l'ignorent, hein, quand on remonte à des périodes aussi anciennes. Et d'un autre côté, elle ne représente pas non plus le point de vue de l'historien, parce qu'elle a des jugements très tranchés sur la vie, sur le monde, alors ce qui permet de faire pas mal de petites blagues. Elle a aussi une distance face à la douleur des gens qui n'est pas celle de l'historien, hein. Elle n'est pas très compatissante. Elle en a vu tellement elle ne pense pas aux souffrances des gens. Et du coup, ça permet d'avoir une voix différente de celle des acteurs historiques, différente de celle de nos contemporains ordinaires, et différente aussi de celle de l'historien. La voix de l'historien s'exprime en plus à la fin du volume, hein, dans le dossier documentaire, avec un texte un petit peu plus fourni qui accompagne la bande dessinée. Mais c'est le jeu sur tous ces points de vue qui est particulièrement intéressant en bande dessinée. Et puis, médiéviste que vous êtes, Valérie Theiss, vous savez très bien que la mort était déjà un personnage d'histoire illustrée, mais au Moyen-Âge, oui. Je vous propose d'entrer dans la danse macabre. Nous donnons la parole à Monsieur Albert-Marie Schmitt, professeur à la faculté des lettres de Lille, qui commence une série d'études sur les poètes de la mort au XVe siècle. Aujourd'hui, la grande danse macabre du cimetière des Innocents. Le mot mystérieux, macabre ou macabré, d'où provient-il ? Le clergé chrétien, sur la fin du Moyen-Âge, pour commémorer le trépas des sept frères Maccabées, assassinés par Antiochus Épiphane, institue une sorte de jeu rythmique qui se danse sur le parvis des sanctuaires. On y voit s'effacer, sous les coups de la mort, maints personnages allégoriques qui signifient les conditions humaines. Puis, les diverses entrées de ce ballet du néant sont figurées sur les murs d'enceinte des cimetières et des charniers. Ainsi, dans les lieux consacrés aux souvenirs des défunts, se multiplient les bas-reliefs et les fresques où gesticulent les baladins tristes de la danse des Maccabées ou danse macabre. La danse macabre dans l'émission Heure de culture française en avril 1960. Valérie Theis, vous êtes l'héritière de cette grande tradition de danse macabre qui nous viennent du Moyen-Âge et peut-être même d'avant, quand vous mettez la mort au centre de votre bande dessinée À la vie, à la mort. Oui, tout à fait. Si on a pensé à choisir la mort comme narratrice, c'est parce qu'en fait, c'est les hommes et femmes du Moyen-Âge qui ont fait de la mort un personnage. Hein. À partir du XIIe siècle, on la voit personnifiée. Et à partir des XIIIe, XIVe siècles, on a des enluminures hein, qui représentent la mort, mais qui la représentent très différemment de la manière dont on se la représente aujourd'hui dans la culture populaire. Donc on a voulu faire passer aussi ça dans le volume en montrant la mort représentée de manière différente aux différents âges de sa vie et en choisissant un mode de représentation qui était celui du XIVe siècle au moment où la mort est jeune où les planches représentent le temps passé. Alors que pour l'époque contemporaine, on a fait le choix d'une représentation plus septième sceau. Hein, et du coup, voilà, ça permettait aussi de montrer que la mort elle-même était un personnage avec une histoire, qu'elle n'avait pas existé de tout temps et que les acteurs ne l'imaginaient pas du tout de la même manière. Et donc au XIVe siècle, elle est plus jeune, avec de longs cheveux et des ailes qui ressemblent à des ailes de chauve-souris. C'est ainsi hein, qu'on la voit sur les fresques de Buffalmacco à Pise, par exemple. Voilà, tout un jeu avec les clins d'œil liés à la période que vous étudiez, donc en l'occurrence Valérie Theis et le Moyen-Âge. Et puis vous, Jérémy Foa, c'est une période qui est troublée, celle des guerres de religion, sacrée guerre de Catherine de Médicis à Henri IV. Il est intéressant hein, d'avoir ce sacré guerre, non pas guerre de religion, dans le titre, de Catherine de Médicis à Henri IV, deux personnages majeurs qui évoquent tout de suite quelque chose. Nous disons ces noms-là et nous resituons. Mais dans le procédé narratif d'une bande dessinée, il faut des personnages et vous avez voulu donner la parole à ceux que l'on n'entend pas habituellement. Oui, c'est vrai que dans ce dispositif narratif qu'on a choisi, on a décidé de faire commencer la bande dessinée sur le tournage du film de Chéreau, La Reine Margot, en imaginant que les figurants n'étaient pas des simples figurants, mais c'était des revenants, des rescapés du massacre de la Saint-Barthélemy. En partant du principe que le film de Chéreau, qui se nourrit d'Alexandre Dumas, donne la parole à Catherine de Médicis, donne la parole aux grands aristocrates, mais qu'on oublie toutes les petites gens qui sont morts par milliers lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Et le dispositif de la bande dessinée, c'est de dire, bien, ces gens-là vont revenir du passé, vont voler la caméra de Chéreau et vont refaire le film. Donc ça permet d'interroger des orfèvres, des professeurs, des philosophes ou des mathématiciens, et puis deux rescapés en particulier de la Saint-Barthélemy qu'on va suivre tout au long de la BD. Le premier, c'est Jacques Caumont de la Force, qui va devenir maréchal, qui est adolescent lors du massacre en 1572, qui survit en se cachant sous le cadavre de son père et de son frère. Et puis la deuxième narratrice de la bande dessinée, c'est Charlotte Arbaleste, qui est une protestante aussi, et qui survit au massacre de la Saint-Barthélemy et qu'on va suivre tout au long de ses aventures. Il y a une déconstruction évidente, ou alors même une construction du discours pour comprendre comment Patrick Chéreau en est arrivé à la Saint-Barthélemy. Et vous tirez les fils, hein. Vous voyez bien que Chéreau s'est inspiré d'Alexandre Dumas, qui lui-même s'est inspiré d'Octave Aron, on passe par Voltaire. En fait, on a une déconstruction pour reconstruire ensuite le récit de cette période troublée, celle de la fin du XVIe siècle, en commençant évidemment avec la Reine Margot. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Ainsi commence l'histoire de la reine Margot. 5 jours plus tard, ce sera la Saint-Barthélemy. Un extrait du film de Patrice Chéreau, La Reine Margot. Donc un film important en 1994, La Reine Margot. Et là, nous avons vraiment l'illustration de ces différents niveaux de lecture, ces différents regards apportés sur cet objet bande dessinée. C'est pour cela que c'est formidable. Enfin, Jérémy Foa, vous avez travaillé avec Pochep pour faire cette bande dessinée. C'est très rigolo parce qu'il y a énormément de clins d'œil. Et notamment, vous déconstruisez ce film, La Reine Margot, pour comprendre en fait comment... les historiens, les historiennes aujourd'hui étudient cette période. Vous ne dites pas que Chéreau s'est trompé. C'est un regard particulier lié à la fiction, mais notamment le trait de Catherine de Médicis, cette femme vieillissante aigrie, vous le gommez complètement, vous nuancez la chose. Oui, je pense que Chéreau s'est pas trompé. Chéreau a fait sa propre lecture de la Saint-Barthélemy et des guerres de religion, comme il est légitime que chaque personne, et puis chaque époque aussi, projette sur le passé ses propres fantasmes et ses propres besoins. Catherine de Médicis, ce que les historiens montrent depuis maintenant une trentaine d'années, et puis en particulier Denis Crouzet, qui a beaucoup travaillé sur ce personnage, c'est que contrairement à la légende noire qui a été brossée d'elle depuis des siècles, Catherine de Médicis était une femme de paix. Catherine de Médicis a accordé très tôt la liberté de conscience aux protestants dès 1562. Et il est peu probable que, contrairement à sa légende, Catherine de Médicis ait prémédité le massacre. Pour autant, pendant très longtemps, d'abord les protestants et puis toute l'historiographie des Lumières, notamment Voltaire, ont essayé de dire que Catherine de Médicis était coupable. Ce que j'essaie de montrer, c'est que l'histoire... non pas progresse, je ne sais pas si les historiens progressent, mais que chaque époque a besoin de ces guerres de religion pour réfléchir sur sa propre société, sur ses propres problèmes de société. Nous, ce qui va nous intéresser dans la Saint-Barthélemy, par exemple, c'est de comprendre pourquoi est-ce que des hommes, à un moment donné, ressentent le besoin de tuer au nom de Dieu. Bon, ben vous voyez bien, quand je le formule comme ça, comment ça peut parler à ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, c'est d'autant plus fort que vous posez la même question au moment où Patrice Chéreau fait son film. Hein. Nous sommes au moment de la guerre en Yougoslavie, ex-Yougoslavie, au moment où commence le génocide du Rwanda. Et puis, cette question est liée à des travaux d'historiens. Hein. Jérémy Foa, vous avez cité Denis Crouzet. Et Denis Crouzet, à part, il est cité dans la bande dessinée. C'est en cela aussi que c'est très intéressant, avec ses guerriers de Dieu, nous avons l'apport de l'histoire pour comprendre le passé au-delà de la simple narration d'un événement ou alors pour À la vie, à la mort, d'une lecture bataille. Valérie Theiss, vous nous l'avez dit, il y a d'autres regards à porter sur la mort et notamment vous accordez une grande place à l'histoire sociale, à l'histoire économique pour comprendre ce qui se passe durant le Moyen-Âge. Oui, on a voulu commencer par l'histoire économique et sociale au début de la bande dessinée parce que au fond c'est cette histoire-là qui nous semblait la plus importante pour comprendre la manière dont se transforment les sociétés au XIVe et au XVe siècle avec le début hein, d'une série de crises que les historiens ont interprétées de manière très différente hein, selon les époques. En insistant pendant longtemps sur le fait que ces crises se déployaient parce que le monde était trop peuplé par rapport à ce qui était possible de supporter hein, pour nourrir les gens. Et aujourd'hui, c'est une interprétation qui n'est plus du tout défendue par les historiens. On insiste plutôt sur les effets du changement climatique. Là aussi, hein, ça fait écho à des préoccupations contemporaines. Et aussi sur l'incomplète maîtrise de nouveaux mode de circulation des marchandises, de nouveaux dispositifs économiques, en particulier dans le monde urbain. Cette incomplète maîtrise fait que, on se met à manquer d'approvisionnement par moment dans certaines villes, alors que ailleurs on peut disposer encore de quoi nourrir les populations. Ces phénomènes, ils ont en fait beaucoup plus d'importance sur la vie quotidienne des gens des 14e et 15e siècles que les chevauchées du roi d'Angleterre en France pendant la guerre de Cent Ans. Et alors après, évidemment, il y a aussi une place accordée au grand événement du milieu du 14e siècle, la grande peste qui décime entre un tiers et la moitié de la population de l'Europe à cette époque-là. Et quand on l'a écrit, on ne pensait pas du tout que le contexte d'une épidémie en Europe pourrait se reproduire aussi vite. Alors évidemment, ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions, puisque la peste tue des millions et des millions de gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on relit l'album, ça fait écho à des préoccupations contemporaines. Et pour la première fois, en fait, on peut se rendre compte, même si les proportions sont pas du tout les mêmes, de ce que ça fait de vivre pendant une épidémie. Oui, avec des réflexions qui, mais c'est vrai, font écho à nos préoccupations du moment, à la vie, à la mort, au moment de la peste, bien sûr, nous réfléchissons à notre temps. Et dans Sacrée Guerre, au moment des guerres de religion, les conflits liés aux religions, là aussi, nous rappellent notre moment. Mais vous faites l'un et l'autre un travail qui met en avant les avancées de la recherche, des historiens, des historiennes, qui déconstruisent les clichés. Et il y a aussi cela de plaisant, c'est d'utiliser un support, la bande dessinée, qui souvent à véhiculer des clichés pour démonter ces mêmes clichés. Jérémy Foa, notamment pour les guerres de religion, le cliché classique, ce sont les catholiques qui décident de tuer les protestants, notamment à Paris lors de la Saint-Barthélemy en août 1572. Et vous montrez que l'étude nous dévoile que il y a quelque chose de beaucoup plus complexe. Pourquoi tuer non pas un protestant, bien souvent juste son voisin? Oui, j'ai essayé de montrer que il y a dans le massacre de la Saint-Barthélemy toute une dimension qui est une dimension de massacre entre voisins, de massacre de gens qui se connaissent très bien. Alors évidemment, ce sont des catholiques qui tuent des protestants, mais ils ne les tuent pas de n'importe quelle manière. Tout à l'heure, vous avez mentionné le génocide des Tutsis du Rwanda. C'est peut-être à la lecture des travaux sur ce génocide, et notamment des travaux d'Hélène Dumas, que je me suis rendu compte de l'importance du voisinage dans la mise à mort. Et en partant de ces lectures, je me replonge dans la Saint-Barthélemy, et je me dis, mais évidemment, Catherine de Médicis, elle est incapable de faire tuer des protestants pour une raison simple, c'est qu'elle ne sait pas qui à Paris ou à Bordeaux ou à Toulouse est protestant. Et qui dispose de cette information? Le voisin. C'est-à-dire que le voisin est le seul qui est capable de dire dans telle rue il y a un protestant parce que je sais qu'il ne va pas à la messe. On est dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés informatiques, on n'a pas d'informations très précises sur les lieux où résident les protestants. Seuls les voisins sont capables de mettre à mort leurs voisins. C'est ce que j'ai voulu essayer de montrer dans ce massacre de la Saint-Barthélemy. Et puis avec un retour aux sources évident, avec les cas que vous étudiez, vous avez évoqué Jacques Comon de la Force ou Charlotte Arbalès, donc qui sont des personnages habituellement très secondaires de cette histoire et que vous mettez au centre de votre récit. Nous voyons un peu comment se construit la sociabilité, comment se construit même l'économie de cette période de Paris à la fin du XVIe siècle, qui va nous permettre de saisir pourquoi ce massacre a eu lieu. Peut-être, mais surtout comment il a pu être organisé. Oui, je suis très content que vous souligniez ce point, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le pourquoi, c'est une chose, c'est très difficile à questionner. Le comment, en revanche, me paraît plus intéressant. Comment? Eh bien, c'est en particulier la milice que j'essaie de mettre en scène. Et c'est un des gros plaisirs de la bande dessinée, c'est de donner un visage à des gens dont on n'a jamais vu le visage, notamment les tueurs de la Saint-Barthélemy. Qui sont les tueurs de la Saint-Barthélemy? Ce sont très souvent ce qu'on appelle les miliciens qui avaient pour fonction de garder la cité et de dénoncer les mauvais paroissiens. les mauvais paroissiens, c'est ceux qui vont pas à la messe, eh bien j'essaie de montrer comment ce sont ces miliciens qui sont vraiment les responsables du massacre, parce que eux seuls, depuis plusieurs années, depuis 4 ans, depuis 1568, s'entraînent à harceler les protestants. Ça fait plusieurs années qu'ils les jettent en prison, puis qu'ils les libèrent, qu'ils les jettent de Paris ou de Bordeaux ou de Toulouse, puis qu'ils les libèrent. Ce qui fait que la Saint-Barthélemy, c'est certes pas un massacre prémédité, mais c'est un massacre pour lequel on s'est entraîné. Paradoxalement, il faut savoir arrêter les gens, il faut savoir où ils habitent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tout un savoir-faire socialement construit pour que le jour J, on réussisse à faire un massacre. Il peut y avoir à la fois un massacre qui est non prémédité et pour autant préparé dans tous ses savoir-faire, notamment avoir l'adresse des gens, savoir les interpeller, savoir les jeter en prison. On ne se réveille pas massacreur du jour au lendemain. C'est ce que la BD permet de montrer. Oui, parce que dans la bande dessinée, il y a la forme et il y a le fond, mais cela est valable pour tout. Une émission de radio, un livre, n'importe quoi. Et dans le cas de vos propositions, à la vie, à la mort ou alors sacrée guerre, le travail est vraiment fait sur le fond et sur la forme. Nous l'entendons, le fond est solide, la forme est sublime, hein, parce que les dessins sont des choix particuliers très intéressants, mais demeure la question de la narration. Comment raconter l'histoire? Écoutons Michel de Certeau, le philosophe. Il y a toujours eu une résistance de l'histoire à l'idée de fable. On peut dire que l'histoire est née de son combat contre la fable. Et histoire, fable, c'est la guerre des dieux. Bon. Et pourtant, tout livre d'histoire est un rapport entre une fable, des effets littéraires, des fantasmes, des modes de représentation, des règles aussi de mise en scène, etc. Et puis, d'autre part, les contrôles exercés par un rapport aux manuscrits, des légalités scientifiques, etc. Or ça, je pense que c'est un rapport qui a varié énormément selon les époques et que, par exemple, au début du XVIIe siècle, on pouvait dire que l'histoire était le champ rêvé de la rhétorique. Ce qui définissait l'histoire, c'était d'être une grande œuvre rhétorique, alors que à la fin du XIXe siècle, on dira au contraire que l'histoire est définie par le fait d'être le discours analytique détaillé, le plus entomologiste, le plus minutieux possible, du réel même. C'est deux positions antinomiques, mais qui se réfèrent à des conceptions différentes du rapport entre fable et histoire. Et il me semble justement que c'est un rapport qui est constant. Michel de Certeau qui évoque son discours sur l'histoire dans l'émission « L'histoire de l'histoire ». C'était sur France Culture en 1978 et c'est aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Vallat avec à la technique Aldel Caglar. Justement, dans cette analyse de Michel de Certeau sur ce qu'est la narration, il parle de fable, il y a au moment où vous emparez d'une bande dessinée, quelque chose qui fait réfléchir l'historien, l'historienne, baigné de sérieux sur son mode de narration. Disons-le clairement, Valérie Theiss, la bande dessinée ne va pas à l'encontre du sérieux du récit. Après, ce sont juste des arrangements ou des ajouts pour créer ce petit sourire nécessaire, un peu le piment de cette narration. Oui, tout à fait, Xavier. Et là, je crois que c'est, pour moi, c'est vraiment une erreur hein, d'opposer le sérieux et la réflexion sur la narration, parce que je pense que les deux peuvent aller de pair et que pour que une histoire la plus sérieuse possible soit reçue par un public, il faut aussi que l'historien ait réfléchi à un mode de narration efficace et pourquoi pas plaisant. On n'est pas obligé d'ennuyer les gens sous prétexte qu'on leur raconte quelque chose de scientifique. La BD en fait, elle pousse cette idée encore plus loin parce que là, effectivement, on a des références en tête de bande dessinée qui ont poussé très loin la réflexion sur la narration, son efficacité, aussi sur l'usage de l'humour. Hein. Moi personnellement, enfin, et je peux parler pour Étienne Anaïm aussi, nous sommes de grands fans de bande dessinée du type donjon. Hein, Et du coup, je pense qu'on retrouve un petit peu de cet esprit-là dans le mode de narration avec pas mal d'humour qu'on a choisi dans la bande dessinée. Mais l'humour, ça fait réfléchir aussi. Ça permet de mettre à distance les ridicules de notre époque, les clichés que les gens du monde contemporain peuvent avoir sur le Moyen Âge. Quand deux piliers de comptoir se moquent des gens du Moyen Âge, voilà, le lecteur du coup va tout de suite être amené à réfléchir à cette prétendue supériorité des sociétés contemporaines par rapport au monde médiéval. La même chose quand on met en scène des policiers un petit peu pas très malin, disons, à la fin de la bande dessinée. Alors, c'est pas le cas de tous les policiers, évidemment. C'est deux policiers pas très malins. Mais il s'agit de faire réfléchir aussi à l'usage de la violence dans la société. Hein. On associe immédiatement la société médiévale avec une violence stupide. Et du coup, dans notre société, on peut se réfléchir aussi au rapport que nous avons à l'usage de la force et à la manière dont on traite les plus pauvres. Voilà, donc ça permet, la bande dessinée, de faire ces allers-retours entre époque médiévale et époque contemporaine, mais à l'arrière-plan, évidemment, ça n'empêche pas de s'appuyer sur les travaux des historiens, hein, comme ceux de Jean-Philippe Genet, hein, sur la jeunesse de l'État moderne. Et puis, vos policiers sont formidables aussi, parce que au moment où ils entendent la mort réciter la balade des dames du temps jadis, c'est un des policiers qui reconnaît que c'est du Brassens, et il a raison, et il s'installe à côté de la mort, qui leur explique que ça vient de Villon, et que Villon avait tout compris sur la mort. Et dans cette forme liée à la bande dessinée, donc à l'image, Jérémy Foa, vous avez une proposition qui fonctionne, mais c'est sidérant comment le lecteur se laisse embarquer par ce jeu, ces allers-retours entre le présent, le passé de Chéreau, vous nous l'avez dit, le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, qui nous conduit au XVIe siècle, avec également l'importance de l'image et ce choix de ne pas jouer le réalisme. Et ça aussi, c'est un parti pris, mais qui est réfléchi. Expliquez-nous pourquoi. Oui, en effet, je pense que le trait de la bande dessinée, et en particulier le trait du dessinateur avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Pochep, c'est un trait caricatural, c'est un trait qui vient de fluides glaciales, où on a des gros nez, où les personnages sont des personnages vraiment de bande dessinée. Ça a ce gros avantage de d'emblée refuser la reconstitution historique, de poser un pacte avec le lecteur qui dit que l'historien est incapable, contrairement à certaines prétentions, de reconstituer le passé, de faire une photographie parfaite et idéale du passé. Alors du coup, comment on va le caricaturer? Eh bien, d'emblée, ça va mettre à distance. C'est une proposition, c'est-à-dire que, bien, nous aussi, nous savons que nous commettons des erreurs ou que nous grossissons certains faits, de la même manière que Pochep grossit certains nez en caricature. Eh bien, l'historien va grossir certains faits, même si tout ceci, et c'est là la difficulté, repose sur des méthodes scientifiques. J'essaie aussi de le montrer dans la bande dessinée. Il y a un moment où on dessine le CARAN, qui est le Centre de Recherche des Archives Nationales. Tout ceci repose sur un travail qui est un travail patient, un travail qui repose sur les archives, sur de la paléographie. Donc il y a une méthode. Malgré cette méthode, ça n'empêche pas de nous amuser avec le trait de la caricature. Je pense que la bande dessinée et le trait de Pochep, ça permet de mettre de la distance, et aussi justement, Valérie Tess le disait tout à l'heure, de poser de l'humour. C'est l'avantage aussi quand on travaille sur des périodes un peu anciennes comme le Moyen-Âge ou comme le XVIe siècle, que les événements dont on parle, même s'ils sont dramatiques, ne sont pas directement dramatiques, ne nous concernent pas directement dans nos chairs, dans nos familles. Et donc on peut se permettre des touches d'humour, même sur des sujets aussi dramatiques que la Saint-Barthélemy. Ou la peste au Moyen-Âge. Exactement, parce que sur les périodes que vous étudiez, il y a eu de nombreux modes de narration, et notamment des narrations en images. C'est le cas des images d'Épinal. Alors quand il y en a une, quand il y en a deux, quand il y en a trois, ça va, trois images d'Épinal. Mais quand il y en a quatre, oui, attention aux liaisons. La radiodiffusion française vous prie d'écouter. Quatre images d'Épinal. Albert Vidali vous présente cette émission. Le marchand d'images. C'était un homme mystérieux dont la fonction était d'offrir le merveilleux à domicile. Il aimait à se singulariser du commun des mortels et courait les routes et les foires vêtu d'étranges oripeaux qui attiraient la clientèle. Un certain Tripoli, dit fils de la gloire, qui exerçait encore son négoce quelques années avant 70, avait en guise de chapeau un casque de dragon. Ils avaient leur langage et leurs coutumes, et s'appelaient Salamandrius, Vert de Gris, le Père la Flûte, Ventre d'Osier, Tourniquet. À la fin du Second Empire, ils étaient une trentaine de mille qui couraient les routes de France, en ne comptant que sur leur seul bagout pour gagner leur pain. Les images qui se vendaient le mieux étaient des images pieuses, dites de préservation, et celles qui illustraient de grands crimes. À défaut d'affaire Lafarge, Tropman ou Fualdès, les imagiers d'Épinal se rabattaient sur des valeurs qui avaient fait leurs preuves et reprenaient les mésaventures d'Isaac Lakdem en 10 tableaux et 35 couplets ou les grandes batailles de l'Empire. Les images d'Épinal présentées à la radiodiffusion française en juin 1954. Et avec ces images d'Épinal, nous pouvons évoquer ce matériau sublime dont vous bénéficiez, Jérémy Foa, notamment pour le XVIe siècle, qui a produit énormément d'images, qui a produit des images contemporaines et qui ensuite, je pense à la Saint-Barthélemy, a encore produit énormément d'images. Le décryptage de l'image est à la base du travail de l'historien, mais quand vous vous emparez vous-même d'images à fabriquer pour cette bande dessinée Sacrée Guerre, il y a comme un jeu de va-et-vient sans cesse. Le jeu est aussi celui de l'écriture. Oui, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé à utiliser des images, des clichés et à les retravailler. Il y a par exemple cette image qu'on a tous en tête de Catherine de Médicis en veuve noire. Catherine de Médicis, dans quasiment toutes les représentations, aussi bien celles du XVIe siècle que celles des siècles suivants, est représentée en vieille femme qui a un petit peu grossi et qui surtout est habillée tout en noir. On s'est dit, mais Catherine de Médicis, elle a été jeune. Pourquoi est-ce qu'on représenterait pas, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas cette liberté de dire, bien, nous, notre Catherine de Médicis, elle va refuser d'être représentée en vieille dame. Elle va se faire une sorte de lifting pour revenir 30 ans en arrière et on va faire une Catherine de Médicis jeune. La bande dessinée et la réflexion sur les clichés, c'est aussi réfléchir à ce que les images font sur notre imaginaire. Qu'est-ce que ça fait à l'imaginaire de représenter systématiquement Catherine de Médicis en veuve noire? Eh bien, ça permet de passer des discours en contrebande, qui sont des discours misogynes, qui sont aussi des discours xénophobes. Si Catherine de Médicis est détestée à ce point dans l'imaginaire national et dans les images d'Épinal, c'est parce que c'est une femme. C'est parce que c'est une femme puissante qui a gouverné à une époque où normalement les femmes n'ont pas le pouvoir. Et puis aussi parce que c'est une étrangère. On sait que Catherine de Médicis, elle vient de Florence. Donc, reproduire une image de Catherine de Médicis en veuve noire, c'est véhiculer des clichés sur les femmes et sur les Italiennes. Donc, vous voyez que, en faisant un petit clin d'œil, un petit jeu, en rajeunissant Catherine de Médicis, on essaie aussi de faire passer des choses importantes sur le fait que les femmes, Catherine de Médicis en l'occurrence, sont tout à fait capables de gouverner sans être cruelles, comme on l'a dit très longtemps de Catherine de Médicis. Et puis Catherine de Médicis, dans votre ouvrage, devient un peu comme la coccinelle de Gottlieb qui à chaque fois fait le petit commentaire derrière. C'est toujours sa faute en fait. C'est toujours la faute de Catherine de Médicis. Et justement, dans la représentation d'un passé, nous sommes pétris de nos images comme ça, sans cesse véhiculées. Dès qu'il s'agit du Moyen-Âge, attention, les dents doivent être cariées. Il doit y avoir de la boue partout. Or non, les dents étaient plutôt saines vu que les gens mangeaient moins de sucre. Et la boue, mais non, pourquoi de la boue? Quel choix avez-vous fait Valérie Theiss pour représenter le Moyen-Âge? Il y a un vrai dialogue en fait avec le dessinateur, un Moyen-Âge très coloré, un Moyen-Âge que l'on retrouve un petit peu en écho à l'enluminure. Oui, tout à fait. Alors, les choix, c'est pas moi qui les ai faits, hein. C'est Sophie Guérive, qui avait déjà travaillé hein, sur l'imaginaire médiéval avant de travailler avec nous. Elle a fait un très bel album hein, qui s'appelle Médiéval, avec des dessins tout plein de détails magnifiques. Donc, nous, on était ravis de travailler avec elle, parce que souvent, les gens disent « Ah, Sophie Guérive, elle a vraiment un dessin très naïf dans cet album. » Mais en fait, c'est pas du tout naïf. C'est vraiment une réflexion sur la stylisation. Et comme le disait Jérémy Foa, hein, aussi, ça permet de montrer au lecteur que on n'a pas la prétention de dire comment était le monde au Moyen-Âge, parce qu'on est bien incapable de le représenter tel qu'il était. Et du coup, la réflexion, elle s'est plutôt déplacée du côté du dialogue avec les images médiévales, parce que les images médiévales aussi, elles sont souvent accusées d'être naïves. Alors que elles sont le fruit d'une grande réflexion de la part de ceux qui les élaborent et d'une grande stylisation. Donc chez Sophie Guérive, on retrouve ce travail des dessinateurs, des sculpteurs, des peintres médiévaux. Et puis on a, alors là ensemble pour le coup, réfléchi à la couleur. Elle avait fait plusieurs tentatives avec des couleurs différentes. Aucune ne nous satisfaisait vraiment ni les uns ni les autres, et du coup, au bout d'un moment, c'est Étienne Anaheim hein, qui a eu cette idée-là, d'ailleurs, il faut lui rendre justice, il s'est dit, le mieux, ce serait peut-être de s'inspirer des couleurs employées par certains enlumineurs médiévaux. Et là, on a choisi le référentiel des frères de Limbourg pour les très riches du duc de Berry. Donc c'est pour ça, par exemple, que toutes les maisons hein, ont des petits toits bleus, comme dans les très riches du duc de Berry, alors que évidemment les maisons n'ont pas de toits bleus en majorité dans la réalité. Mais voilà, ça permettait d'instaurer un dialogue avec de véritables images médiévales. Et puis ce qu'on essaye aussi de faire passer dans la bande dessinée, c'est l'idée que l'image est une source pour l'historien. Donc à plusieurs reprises, hein, on fait référence à des images médiévales qui nous ont appris des choses sur le Moyen-Âge, à partir du moment où on sait les lire les critiquer. Oui, c'est vrai qu'avec les toits bleus, tout est recouvert d'ardoises d'un coup, mais Valérie Teiss, vous évoquez les enlumineurs, les dessinateurs, nous pourrions rajouter les brodeurs, parce que dans les proto-bandes dessinées, au-delà des danses macabres, il y a la tapisserie de Bayeux, qui est l'archétype même d'un début de bande dessinée narré des événements avec de l'image et du texte. Hein. Il y a les deux. Ce jeu-là, vous en êtes l'héritière en faisant de la bande dessinée. Mais je voudrais que nous écoutions, alors là, un grand aussi de la bande dessinée, Art Spiegelman, l'auteur de Maus. Maus, donc, pour une œuvre magistrale hein, pour laquelle il a reçu le prix Pulitzer et qui réfléchit sur ce qu'est la bande dessinée. Une bande dessinée, on n'attend que des plaisanteries, ou peut-être du mélodrame, ou du merveilleux. Et aux États-Unis, il y a une curieuse réaction du genre, les BD ne sont pas supposées être sérieuses. Or ça, c'est vraiment sérieux, donc ce n'est pas une BD. C'est cette espèce de faux raisonnement bizarre qui m'a placé dans une catégorie à part, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas plus de la BD. Je dirais que c'est un livre sur la mémoire et sur le fait de mettre la mémoire dans des petites cases. Art Spiegelman qui parle de son œuvre Maus qui traite de la Shoah, c'était en 1998 et qui dit que vu que c'est sérieux, ce n'est plus de la bande dessinée. Dans cette histoire dessinée de la France, donc publiée par la Revue Dessinée et La Découverte, nous avons de l'histoire sous forme de bande dessinée et un dossier par la suite qui complète en fait tout ce que l'on a pu lire sous forme de dessin. Je voudrais savoir, Jérémy Foa, est-ce que la démarche de l'historien change radicalement? En fait, le fond, j'ai l'impression, reste le même. C'est juste comment j'adapte ma narration, ma forme, pour la rendre peut-être plus accessible ou alors jouer sur l'accessibilité et des clins d'œil supplémentaires à un public averti. Oui, c'est les deux. Je voudrais juste revenir un instant sur Spiegelman parce que ça me paraît très parlant. Spiegelman, il y a cette technique qui est employée où on va représenter les juifs en souris pour montrer comment dans la tête des nazis il y a une animalisation des juifs, une animalisation de l'adversaire. Eh bien, la même chose s'est produite avec les mêmes images pendant les guerres de religion puisque les catholiques ont représenté les huguenots avec des visages de singes. Donc de la même manière, on a animalisé son adversaire pour commettre un massacre avec moins de culpabilité. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des échos entre la bande dessinée de Maos et des représentations du XVIe siècle. Alors pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on simplifie le propos? Je pense que non, on simplifie pas le propos, mais on essaie de trouver des techniques ou des dispositifs pour faire rentrer plus facilement un lecteur qui n'a pas l'habitude de lire des livres d'histoire dans des périodes compliquées. Donc il y a des petits trucs. Les petits trucs, c'est partir du contemporain. On le sait que quand on est enseignant, c'est plus facile de partir de ce que vivent les élèves dans le monde actuel pour aller vers le passé. La bande dessinée, ça permet ça, ça permet quelque chose qui est le fantasme absolu de l'historien, c'est le voyage dans le temps. Dans la bande dessinée que j'ai signée avec Pochep, on a des voyages dans le temps, comme ça on passe du 20e au 16e et du 16e au 20e. Donc les stratégies, c'est garder le même niveau de rigueur et d'exigence, mais toujours avec cette idée du voyage dans le temps. Qu'est-ce que le 16e nous apprend sur le 21e? Qu'est-ce que le 21e projette sur le 16e? Bon, il y a plein de clins d'œil, par exemple. Il y a un clin d'œil, peut-être que vous le trouverez, à Retour vers le futur. Oui, je vois, je vois. Aux jeux vidéo, il y a énormément. Aux jeux vidéo. Mais oui, voilà, c'est très amusant. Et pareil, Valérie Thaye, je voudrais vous demander, est-ce que vous, en tant qu'historienne, cet exercice vous a enrichi? Est-ce que ça vous a fait réfléchir sur votre objet d'étude? En l'occurrence, là, c'est la mort. Oh ben là, ça fait toujours réfléchir, hein, évidemment, parce que il faut se demander ce qu'on représente, ce qu'on raconte, et le gros avantage de la bande dessinée, justement, de ce point de vue-là, c'est qu'on simplifie pas. On peut avoir différentes voix qui parlent en même temps, différents niveaux de lecture. Quand vous lisez un livre d'histoire, vous n'entendez que la voix de l'historien, vous êtes obligé de la suivre. Alors que là, la mort peut tenir un certain discours, l'historien un autre, et les personnes sur l'image, encore un autre, avec des petits traits d'humour. Donc, du coup, ça laisse aussi une plus grande liberté au lecteur pour construire sa propre représentation d'une époque à partir de ces voix qui sont en général discordantes, hein, les voix des acteurs, des historiens et de la mort. Donc, pour moi, c'est vraiment un enrichissement de ce qu'on peut proposer aux gens. Alors après, avec une forte contrainte, mais la contrainte stimule toujours la créativité. La forte contrainte, c'est des textes très courts dans les bulles. Hein. Ça, Sophie Guérib y tenait beaucoup. C'est sa manière de travailler habituellement, donc elle nous a fait travailler pour raccourcir au maximum le propos, ce qui n'a été possible qu'en rajoutant des petites allusions, des petites blagues, effectivement des clins d'œil à la culture populaire contemporaine. Mais je crois que en fait on y gagne en faisant ce travail. Hein. Il n'y a pas de perte du tout. Oui, voilà, le travail de synthèse est extrêmement enrichissant et très très compliqué. Faire court et efficace souvent est plus dur que d'écrire et de délayer. Merci vivement à vous deux, Valérie Thaye et Jérémy Foy. Alors, je rappelle, hein, l'histoire dessinée de la France, la revue dessinée, la découverte. Nous parlons des guerres sacrées de Catherine de Médicis à Henri IV, ça c'est vous, Jérémy Foy, avec Pochep. Et puis, nous parlons de À la vie, à la mort, ça c'est vous, Valérie Thaye, avec Étienne Anheim et Sophie Guérive. Mais il y a tous les autres numéros, donc voilà, autant de manières de visiter l'histoire de France. Merci vivement à vous deux. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. Merci. Et nous allons retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, les mauvaises surprises de Noël. L'Islande n'a pas connu les combats de la Deuxième Guerre mondiale, pas de collaboration, pas de déportation. Occupée dès 1940 par la Grande-Bretagne, puis par les États-Unis, pour sécuriser l'Atlantique Nord face à la flotte de guerre allemande, elle en est même sortie indépendante après 6 siècles de soumission politique au Danemark. Sur cette île, plus connue pour ses paysages volcaniques et sa neutralité politique, le négationnisme vient de faire une entrée fracassante. Courrier international relaie un article de l'hebdomadaire danois Weekendavisen sur cette surprenante affaire. La traduction d'un livre américain de Arthur R. Boots, intitulé « La mystification du XXe siècle, pourquoi l'extermination présumée des Juifs européens n'a pas eu lieu ». publié en 1976. Il est apparu dans le catalogue traditionnellement très fourni des livres à offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année en Islande. Si les publications négationnistes, sans être courantes, font partie de l'histoire de l'édition ailleurs, en Islande, c'est une première qui fait écho à la reconfiguration du paysage politique national, habituellement très resserré autour du centre. L'apparition récente de partis extrémistes s'accompagne donc de la percée encore marginale de l'antisémitisme au milieu des polars et des autobiographies de célébrités. Le traducteur Björn Jönsson a auto-édité cet ouvrage indésirable, pas d'éditeur à interpeller donc ici, mais l'encart acheté dans la presse quotidienne pour en faire la promotion dévoile sans détour les intentions de l'auteur et de son passeur en Islande en minorant le nombre de victimes de la Shoah, réduisant le plus grand génocide de l'histoire à un canular. Une affaire sans précédent en Islande où l'on s'interroge sur sa censure et sa suppression des rayons des libraires. L'ouvrage de Boots est interdit en Allemagne, au Canada. Amazon l'a banni de ses catalogues états-uniens et britanniques. Il est aussi interdit à la commercialisation sur le marché des 16 pays d'Europe où la loi condamne le négationnisme. Selon Helgi Rafn Gunnarsson, un député du parti pirate islandais, cette affaire est un symptôme d'une démocratie islandaise en panne où le savoir prévalait sur les méthodes coercitives jusqu'à maintenant pour discerner le faux du vrai sur des questions aussi sensibles. Si le président de l'association des éditeurs islandais, Aidar Ingi Svansson, souhaite que ce livre ait le moins de succès possible, il affirme aussi que les règles du jeu ont toujours été les mêmes. Le livre ne sera donc pas interdit au nom de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Merci Anaïs. On retrouve le journal de l'Histoire et tous les liens utiles sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par Valentine Lovrins, Marion Dupont, Anne Toscan-Judès, Odile Jouessel, Nicolas Berling et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, l'historien à la manette quand le jeu vidéo raconte l'histoire.